À Berne, mes fonctions ne lui furent pas inutiles, et je ne mentirai pas aussi mal que j'avais craint. J'étais bien plus hardi et mieux parlant que je n'aurais été pour moi-même. Les choses ne se passèrent pas aussi simplement qu'à Fribourg. Enfin, tout étant en règle, il fut admis à l'audience du Sénat. J'entrai avec lui comme son interprète, et l'on me dit de parler. Je ne m'attendais à rien moins, et il n'était pas venu dans l'esprit qu'après avoir longuement conféré avec les membres, il fallut s'adresser au corps comme si rien n'eût été dit. Qu'en juge de mon embarras. Pour un homme aussi honteux, parler non seulement en public, mais devant le Sénat de Berne, et parler impromptu, sans avoir une seule minute pour me préparer, il y avait là de quoi m'anéantir. Je ne fus pas même intimidé. J'exposai succinctement et nettement la commission de l'archimandrite. Je louai la piété des princes qui avaient contribué à la collecte qu'il était venu faire. Piquant d'émulation, celle de leurs excellences, je dis qu'il n'y avait pas moins à espérer de leur munificence accoutumée. Et puis, tâchant de prouver que cette bonne œuvre en était également une pour tous les chrétiens, sans distinction de secte, je finis par promettre les bénédictions du ciel à ceux qui voudraient y prendre part. Je ne dirai pas que mon discours fit effet, mais il est sûr qu'il fut goûté, et que sortir de l'audience, l'archimandrite reçut un présent fort honnête, et de plus, sur l'esprit de son secrétaire, des compliments dont j'eus l'agréable emploi d'être le truchement, mais que je n'osais lui rendre la lettre. Voilà la seule fois dans ma vie que j'ai parlé en public devant un souverain, et la seule fois aussi peut-être que j'ai parlé hardiment et bien. Quelle différence dans les dispositions du même homme. Il y a 3 ans, qu'étant allé voir à Yverdon mon vieux ami M. Roguin, je reçus une députation pour me remercier de quelques livres que j'avais donnés à la bibliothèque de cette ville. Les Suisses sont grands harangueurs. Ces messieurs me haranguèrent. Je me crus obligé de répondre, mais je m'embarrassai tellement dans ma réponse et ma tête se brouilla si bien que je restai court et me fis moquer de moi. Quoique timide naturellement, j'étais hardi quelquefois dans ma jeunesse, jamais dans mon âge avancé. Plus j'ai vu le monde, moins j'ai pu me faire à son ton.